fille te semble si sombre. Vois-je, quand tu perds un être cher. Courage, quand tu perds un emploi. Oui, courage, quand une trahison te fait mal. Courage, quand la solitude t'environne et quand la santé n'y est pas. Oui, prends courage, car bientôt, ce problème prendra fin.